C'est en 1831 qu'Alexis de Tocqueville met le cap sur l'Amérique. Sous prétexte d'étudier le système pénitentiaire, mais dans le but, en fait, d'examiner le fonctionnement de la démocratie. Toutefois, sa mission sur les prisons américaines n'est pas seulement un à côté, car c'est en les observant qu'il constate la puissance des normes sociales et l'exclusion de toute déviance. Celui qui commet un crime n'est pas seulement hors la loi, il est rejeté en dehors du corps social, mis au banc de l'espace commun, condamné par l'opinion publique. Chose incroyable, cette même opinion publique qui a le pouvoir de contester et de protéger des tyrannies est aussi dans une démocratie ce qui n'admet aucune différence, aucune distinction, ce qui nivelle et enchaîne l'esprit humain. Alors, l'opinion publique est-elle la voie du salut ou la voie vers la servitude ? Aujourd'hui, de la démocratie en Amérique d'Alexis Tocqueville, volume 2, première, deuxième et troisième partie. Écoutez, j'ai une ou deux choses à vous dire. Dis-nous, comment ça va vous dire ? Écoutez, vous êtes tous dans l'erreur. Ça ne sert à rien de vouloir me suivre. Ça ne sert à rien de vouloir suivre n'importe qui. Vous devez réfléchir par vous-même. Vous êtes tous des individus. Oui, nous sommes tous des individus. Vous êtes tous différents. Oui, nous sommes tous différents. Non, pas moi. Vous devez tous vous faire votre propre opinion. Oui, nous devons tous nous faire notre propre opinion. Exactement. Dis-nous en plus. Non, justement, ne laissez aucun autre régir votre destin. Bonjour, Stephen Sawyer. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire à l'Université américaine de Paris, vous êtes directeur de publication de la revue Tocqueville, vous êtes l'auteur de deux livres, notamment Adolphe Thiers ou La contingence et le pouvoir, paru aux éditions Armand Collin, et puis aussi d'un autre titre paru aux éditions University of Chicago Press, je vous laisse le dire car c'est en anglais, vous avez un meilleur accent que moi. Ah, c'est Demos Assembled, Democracy and the International Origins of the Modern State, 1840-1880. Magnifique, merci beaucoup. Oui. Vous avez entendu cet extrait des Monty Python, c'est un extrait de La vie de Brian, le film de Terry Jones qui est sorti en 1979. On entend bien en fait tout le paradoxe qu'on retrouve chez Tocqueville et dans la démocratie en Amérique, tout le paradoxe de l'opinion publique qui consiste à dire tout le monde ensemble, nous sommes différents, nous sommes des individus, c'est-à-dire à la fois affirmer un principe individualiste et en même temps à dire ce même principe de manière tout à fait conformiste. Oui, oui, tout à fait. Et il est vrai qu'il y a une contradiction interne à la démocratie chez Tocqueville qui se révèle particulièrement clairement dans sa discussion de l'opinion publique, c'est-à-dire à la fois le fait que, comme on est dans une condition d'égalité, chacun a son avis. Chacun a le droit d'avoir un avis qui n'est pas obligé d'écouter l'un ou l'autre ou de croire que l'avis d'un autre est supérieur au sien parce qu'il n'y a pas de supériorité naturelle d'un côté. Mais de l'autre, il y a le fait que comme on est tous égaux, comme on est tous similaires quelque part, et il y a différentes façons de définir l'égalité, on va sans doute en revenir, mais une des façons, c'est par la similitude. Et comme on est similaire, cette similarité permet une accumulation d'avis. Donc, on est à la fois confronté à cette indépendance et ce refus d'être obligé d'écouter l'autre, et la capacité à additionner ses avis les uns par rapport aux autres, jusqu'à ce que ça devienne une force, quelque chose qui s'impose sur nous. Et là, à ce moment-là, cette accumulation nous oblige, ou nous domine même, il utilise le terme à plusieurs reprises. Est-ce qu'on peut dire que l'opinion publique, c'est un petit peu le concept phare quand même de la démocratie en Amérique ? J'ai dit en introduction qu'on allait notamment s'intéresser au second volume de la démocratie qui est paru en 1840, mais le premier volume de la démocratie en Amérique, paru 5 ans avant en 1835, laisse quand même apparaître cette occurrence d'opinion publique. On a l'impression que l'opinion publique, c'est peut-être ce qui cristallise plus que la souveraineté du peuple, tout l'enjeu de la démocratie. On peut le dire, je ne sais pas si je dirais que l'opinion publique, c'est, c'est, c'est le cœur. Je dirais que le cœur de l'œuvre, c'est cette notion de la société démocratique. Et la capacité de la société démocratique à se gouverner ou ne pas se gouverner. Mais une des forces qui anime cette société démocratique, il y en a plusieurs, mais il est clair que l'opinion publique a un rôle absolument essentiel dans l'animation de cette société démocratique. Et comme il explique, la société démocratique, ça va tout transformer. Ça va transformer tous les rapports sociaux. Et donc, du coup, en même temps, l'opinion publique va aussi animer toute une série d'activités, de rapports. On va le retrouver dans la famille, on va le retrouver dans la religion, on va le retrouver dans l'art, on va le retrouver même, comme on verra peut-être, dans la séduction. On va l'opinion publique, du coup, comme c'est une force au sein de la société démocratique, va animer et en quelque sorte propulser cette société démocratique. On peut peut-être dire, Stephen Sawyer, que comme Tocqueville ne fait pas de la démocratie seulement un régime politique, mais un état social, que c'est précisément cette opinion publique en fait qui permet de formaliser cet état social, puisque c'est à travers l'opinion publique en fait que se formalise, que sont créés ou modifiés un ensemble de sentiments, d'usages, d'opinions. Oui, tout à fait. Je crois tout à fait là. L'opinion publique. Il le décrit, il le voit comme à la fois, en quelque sorte, une force, c'est-à-dire la façon démocratique dont la société va s'exprimer, parce que c'est en quelque sorte libre dans son accumulation. On n'est pas obligé de penser telle ou telle chose. Mais une fois que l'opinion publique, une fois que cette amalgamation, agrégation, si on peut dire, d'avis s'est cristallisée, la force sur laquelle ça nous tombe dessus, c'est inéluctable. On ne peut plus résister. Alors ça tombe sur chacun des individus, on va le voir, hein, c'est quand même vraiment le cœur de ce second volume de la démocratie en Amérique, mais ça tombe aussi quand même sur la tête des hommes politiques, de ceux qui sont au pouvoir, qui dirigent nos représentants, et ça Tocqueville le dit dès le premier volume de la démocratie en Amérique. Le pouvoir du roi en France a d'abord sur celui du président l'avantage de la durée. Or la durée est un des premiers éléments de la force. On aime et on ne craint que ce qui doit exister longtemps. Le président des États-Unis est un magistrat élu pour 4 ans. Le roi, en France, est un chef héréditaire. Dans l'exercice du pouvoir exécutif, le président des États-Unis est continuellement soumis à une surveillance jalouse. Il prépare les traités, mais il ne les fait pas. Il désigne aux emplois, mais il n'y nomme point. Le roi de France est maître absolu dans la sphère du pouvoir exécutif. Le président des États-Unis est responsable de ses actes. La loi française dit que la personne du roi de France est inviolable. Cependant, au-dessus de l'un comme au-dessus de l'autre, se tient un pouvoir dirigeant, celui de l'opinion publique. Ce pouvoir est moins défini en France qu'aux États-Unis, moins reconnu, moins formulé dans les lois, mais de fait, il y existe. En Amérique, il procède par des élections et des arrêts. En France, par des révolutions. La France et les États-Unis ont ainsi, malgré la diversité de leur constitution, ce point de commun que l'opinion publique y est, en résultat, le pouvoir dominant. Le principe générateur des lois est donc, à vrai dire, le même chez les deux peuples, quoique ses développements y soient plus ou moins libres et que les conséquences qu'on en tire soient souvent différentes. Ce principe de sa nature est essentiellement républicain. Ainsi pensais-je que la France, avec son roi, ressemble plus à une république que l'Union avec son président à une monarchie. France Culture, les chemins de la philosophie, Géraldine Mosna-Savoie. Alors ça, c'est incroyable. On vient d'entendre un extrait de La démocratie en Amérique de Tocqueville, donc premier volume, livre 1, chapitre 8. En quoi la position du président aux États-Unis diffère de celle d'un roi constitutionnel en France? Et c'est ça qui est incroyable, c'est que là, au contraire, l'un et l'autre ne se distinguent pas. Au contraire, ils sont tous les deux dominés par la puissance qu'est l'opinion publique. Il faut quand même revenir sur ce texte, Stephen Sawyer, que vous nous avez conseillé, puisque finalement, on voit bien que ce qui gouverne plus que dans la démocratie, en fait, dans toute forme de régime politique et d'état social, c'est l'opinion publique. Est-ce que ça a toujours été le cas? Et est-ce que là, finalement, Tocqueville ne s'inspire pas d'une création historique qu'est l'opinion publique? Il y a quand même une notion qui émerge au milieu du 18e et qui n'apparaît pas avant. Oui, tout à fait. C'est une excellente question. Alors, ce qui est intéressant dans ce passage, c'est qu'il introduit et définit l'expression l'opinion publique dans un chapitre sur la Constitution fédérale. Donc c'est un très long chapitre avec différentes parties. Ça, c'est la partie sur le pouvoir exécutif, où il compare le pouvoir exécutif français, le roi sous la monarchie de Juillet, le président des États-Unis. Et il insiste sur leur différence en termes de souveraineté, qui définit comme le pouvoir de faire la loi et les conséquences de cette différence. Dans ce sens, il participe à une longue tradition de ce rapport entre souveraineté et législation qu'on va voir chez Rousseau. Je vous en avais longuement parlé avec Céline Spector lundi. C'était très très intéressant, ces rapports entre Tocqueville et Rousseau. Donc, dans ce sens, il est en train de reprendre ces thèmes. Et puis, dans cet extrait, c'est vers la fin de cette partie qu'il introduit l'idée de l'opinion publique. Donc, d'un côté, il a établi toutes les différences qu'il y a entre ces deux situations du pouvoir exécutif, mais tous les deux sont sous le règne de l'opinion publique. Alors, moi, ce que je trouve fascinant dans ce passage, c'est finalement, il y a en quelque sorte une définition de l'opinion publique qui, pour revenir à votre question, diffère quand même assez profondément de la notion comme ça va se développer au XVIIIe siècle. C'est-à-dire, d'abord, il dit c'est un fait. Donc, il dit, de fait, il y existe. Après, il dit c'est un principe. Ouais. Il parle d'un principe générateur. Donc, ça n'a pas une forme rigide, mais ça se mue dans différentes situations. Dans les États-Unis, ça se développe comme ça. En France, ça se développe d'une autre manière. C'est un pouvoir, c'est même un pouvoir dirigeant et un pouvoir dominant. Et puis, il y a un côté profondément historique. C'est-à-dire, ça peut se développer pour un certain nombre de raisons par des élections ou par des arrêts aux États-Unis ou en France par des révolutions. Mais il n'y a pas une façon de développer. Ce n'est pas systématiquement la presse, ce n'est pas systématiquement dans les associations. Ça peut se développer de différentes manières. Donc on peut dire en quelque sorte que c'est un fait, si on mettait tout ça ensemble, on peut dire que c'est un fait principiel qui exerce un pouvoir dirigeant au cours du temps. C'est-à-dire, c'est une force qui nous domine, en quelque sorte. Mais là, qui domine le roi et le président. Aussi bien que le peuple. Et en quoi c'est différent de la notion qui se développe au XVIIIe siècle, qu'on trouve par exemple chez Rousseau ou chez Malesherbes, et qui va peut-être plutôt insister sur l'idée que ce soit un espace de discussion, de contestation et de jugement. Peut-être que là, en fait, le pouvoir de l'opinion publique fait exactement la même chose chez Tocqueville que chez ces penseurs-là, c'est-à-dire vraiment une barrière, en fait, au pouvoir dirigeant. Oui, tout à fait. Mais c'est tout à fait juste. En même temps, ce qui est intéressant chez Tocqueville, c'est que cette force, cette puissance domine autant les individus que le pouvoir exécutif. Donc, bien sûr, ça encadre le pouvoir exécutif, et c'est là où on va voir en quelque sorte on a davantage insisté là-dessus dans cette vision, si on peut dire, libérale de Tocqueville, de cette interprétation libérale de Tocqueville, où l'opinion publique sert à encadrer, à limiter le pouvoir de l'exécutif, de contrebalancer en quelque sorte. Mais chez Tocqueville, il y a aussi autre chose. Il y a cette vision profondément critique, cette approche critique à la démocratie, dans laquelle la démocratie génère ses propres contradictions. C'est-à-dire, au sein de l'opinion publique, il y a à la fois le fait qu'on est libre et on est dominé. On est libre de choisir son avis, donc on a beaucoup de difficultés à entendre les autres, en quelque sorte, ce qui est aussi une façon de retourner une analyse qu'on trouve chez Rousseau, une certaine difficulté à débattre des idées, ou disons que Rousseau va proposer que le débat public, ce n'est pas forcément la meilleure façon d'arriver à la vérité, il faut regarder vers son fort intérieur. Donc, Tocqueville y dit en quelque sorte, on y est. Mmh. On est dans une situation où on va se regarder, on se dit, mais je ne vois pas pourquoi j'écouterais la personne à côté, parce que franchement, cette personne ne vaut pas plus que moi. Mais en même temps, je vois que comme tous nos avis sont en quelque sorte égaux, si on commence à avoir multiples avis qui se concordent, bah à ce moment-là, je suis face au nombre. Je ne peux plus résister. Et ça, c'est autant le cas pour les membres du gouvernement et même le roi ou le président, en l'occurrence aux États-Unis, que pour un citoyen quelconque. J'aimerais, Stephen Sawyer, vous faire écouter un extrait de film qui va nous permettre de souligner cette problématique de l'opinion publique qui est entre à la fois un pouvoir de libération pour les individus et de limitation du pouvoir face à ces individus, mais aussi peut-être à une dimension, on pourrait le dire, coercitive. Si vous publiez un seul renseignement qui menace la sécurité, il n'y a rien. Juste un seul, et le journal se retrouvera devant les tribunaux. C'est pas pour ça que vous êtes là ? Oui, Ben, mais si nous perdons... Avec ce qu'on vous paie, vous ne devriez pas perdre. Ben, écoutez-le, je vous en prie. Bonjour Fritz, ravi de vous voir. Protéger la compagnie et assurer son avenir, tel est notre mélodramatique, ce que vous avancez là. Mélodramatique ? Vous vous apprêtez à dévoiler des années de secrets du gouvernement. Et je doute qu'ils le prendront à la légère. Vous mettez en péril l'inscription en bourse, de même que nos chaînes de télévision. Un criminel ne peut pas avoir de permis de radiodiffusion. Qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, des chaînes de télévision ? Les chaînes de télévision rapportent bien plus d'argent que le journal, et sans elles, nous serions forcés de vendre. Si le gouvernement gagne et que nous sommes condamnés, le Washington Post, tel que nous le connaissons, cessera d'exister. Mais si on vit dans un monde où le gouvernement peut nous dire ce qu'on a le droit de publier, alors le Washington Post, tel qu'on le connaît, a déjà cessé d'exister. C'est un extrait du film Pentagon Papers, un film de Steven Spielberg qui est sorti en 2017 et qui pose bien le problème quand même de la presse. Alors Tocqueville parle de la presse, il ne parle pas des médias évidemment, on pourra employer le terme de médias, Stephen Sawyer, qui effectivement est une des manières, un des moyens pour l'opinion publique de s'exprimer, mais qui peut connaître quand même lui-même des limitations, c'est-à-dire qu'avant d'être une force coercitive, en fait subit une limitation et on peut peut-être là minorer en fait le pouvoir qu'avait vu Tocqueville dans l'opinion publique, c'est-à-dire cette puissance qui s'élève au-dessus de tous et même de nos dirigeants politiques et qui elle-même se voit limitée, peut-être régulée, mais en tout cas elle aussi opprimée. Oui, tout à fait. C'est-à-dire il y a à nouveau cette contradiction, cette tension dans la démocratie entre justement, comme vous l'avez dit très justement, la libération et la limitation, c'est-à-dire c'est une question d'essayer de comprendre comment on est à la fois libre de formuler son avis et en même temps on est en quelque sorte prisonnier de la vie, pas d'un autre, mais d'autres quand ils sont accumulés ensemble. Et donc, bien sûr, il y a les journaux, il y a la presse, mais il y a aussi, par exemple, dans la religion. Et donc, la manière dont la religion va être, en quelque sorte, soumise même à l'opinion publique. Mais c'est des passages très intéressants, parce qu'on pourrait dire... Les juges aussi. Et les juges aussi, tout à fait. Et donc, il n'y a rien qui en échappe. Mais après, c'est la question de comment ça se forme. Voilà. La constitution de l'opinion publique. Ça, c'est un point qui est très intéressant. Justement, on peut peut-être l'aborder à travers la presse, Stephen Sawyer. Ouais. C'est que, est-ce que la presse est un des moyens d'expression d'une opinion publique qui serait déjà formée? Ou est-ce qu'au contraire, elle contribue en fait à fabriquer cette opinion publique? Oui, bien sûr. Mais je dirais que c'est les deux. Je dirais que les voix qui nous permettent de comprendre ce que pensent les autres, parce que Tocqueville, il est très conscient du côté, si on peut dire, paroissial de la démocratie aux États-Unis. C'est un des thèmes qu'on va retrouver tout au long de la démocratie en Amérique, pour laquelle il est peut-être le plus connu. C'est ce côté démocratie locale, l'administration locale. Et donc, comment est-ce qu'on va apprendre ce qui se passe par ailleurs? Il a des moments où il décrit comment la poste fonctionne dans le Michigan, dans les lointains de l'Amérique, c'est-à-dire de l'autre côté du lac Erie. Et il est clair que la presse, de ce point de vue, va permettre aux gens de savoir ce que nous, on pense, c'est-à-dire ce que, en quelque sorte, on est confronté à soi-même et par cette représentation de la société, de l'opinion publique, qui va avoir cette influence. Mais c'est aussi que c'est en partie tout à fait tout simplement le problème, c'est-à-dire on est aussi face à la difficulté de savoir ce qu'on pense. Oui, et puis ça paraît quand même assez paradoxal de devoir lire un journal pour savoir ce que je suis en train de penser. Tout à fait. Parce que comme l'opinion publique est constituée de mon opinion et d'une accumulation d'opinions, d'ailleurs, on pourra reposer la question de est-ce que c'est une opinion plus une autre plus une autre plus une autre qui forme une opinion qui serait presque, comme on dit en sociologie, sui generis, de son propre genre, une sorte de synthèse, ou est-ce que ce serait vraiment une somme d'opinions? En tout cas, c'est quand même déjà un premier problème de se dire je lis le journal pour savoir ce que je pense. Oui, tout à fait. Je pense que, alors, Tocqueville, c'est toujours très nuancé, donc il ne faut pas non plus proposer quelque chose d'arrêté. Mais je pense que il y a à plusieurs reprises, il y a cette idée que l'opinion publique en démocratie. Et là, à nouveau, c'est en cela que ce n'est pas tout à fait la même chose que les réflexions sur la démocratie, sur l'opinion publique au 18e. C'est-à-dire, on est en démocratie maintenant. Il y a cette nouvelle force qui se dégage dans cette société démocratique. Et il y a un des aspects vraiment fondamentaux, c'est quand même que c'est l'addition, c'est le nombre. C'est-à-dire, oui, bien sûr, il y a une approche critique, mais j'aurais tendance à voir une opposition par rapport à, par exemple, l'idée kantienne de l'utilisation privée de la raison publique. Et on n'est pas. Il me semble que Tocqueville pose le problème différemment en disant que finalement, on a le droit de dire ce qu'on veut chez soi, on a le droit de le dire en public, mais une fois que cette force, une fois que cette accumulation commence à se faire, emballée par les avis des uns et des autres, un peu comme a décrit Monty Python dans cette scène formidable du début de l'émission, une fois que ce processus est engagé, c'est moins une fabrique de l'opinion que l'addition et la force qu'on rencontre comme nous en tant que nombre. Alors, je veux revenir quand même sur ce point de la presse, Stephen Sawyer, parce que ça permet quand même de dire aussi que, c'est-à-dire que là, vous présentez les choses comme si en fait l'opinion publique était constituée des avis de chacun. Le problème étant l'expression des avis de chacun. Or, la presse, et c'est d'ailleurs une des critiques qu'on rencontre à l'égard des médias, n'exprime souvent que la majorité, ça c'est ce que va dire Tocqueville, ou ouais, on pourrait dire aujourd'hui, n'exprime qu'une partie en fait de l'opinion et ne représente pas la majorité de l'opinion. Donc en ça, on pourrait très bien se dire que l'opinion publique est moins la totalité, la somme des avis de tout le monde, mélangée dans un énorme brouhaha, plutôt que une partie d'opinion présentée comme l'opinion publique. Chez Tocqueville ou aujourd'hui, c'est-à-dire ? Bah, c'est l'ambiguïté que présente Tocqueville, en partant de la tyrannie de la majorité, mais en partant aussi de cette idée que, effectivement, tout le monde ne peut pas s'exprimer dans l'opinion publique. Oui, et bien sûr, on a l'histoire des États-Unis, bien sûr, on est dans le cadre déjà des hommes blancs qui vont s'exprimer, qui vont faire partie, qui vont former cette opinion publique. Alors, il y a aussi, oui, en effet, il y a cette question qui a accès à cette... Et qui est l'opinion publique ? Qui est l'opinion publique ? Mais là, je trouve que chez Tocqueville, il n'y a pas un côté... on n'est pas encore dans une logique qu'il y a quelques manières de la presse, il y a cette manipulation. Il faut dire quand même que la presse, comme on le comprend aujourd'hui, n'existe pas. C'est-à-dire un journal va être... principalement distribué par souscription et ne va pas être payé par les publicités, etc. Donc, ce n'est pas la même affaire, ce n'est pas la même opportunité pour créer une espèce d'empire de publicité, etc. Les journaux, particulièrement en France, dans les années 1820-1830, on peut avoir un journal comme le Constitutionnel, que Tocqueville a sans doute lu, qui va être, d'après Balzac, qui va être distribué dans toutes les maisons qui sont méritantes. Mais donc, il y a une vraie distribution de ces revues, de ces journaux, mais en même temps, il y a des faiseurs d'opinion mais pour Tocqueville, il faut que les gens adhèrent à ses avis. Et ce n'est pas tant, dans ma lecture, ce n'est pas tant la joute entre les avis. Donc, c'est moi une lutte raisonnée pour arriver à une vérité quelconque que le fait qu'il va avoir, on va réussir à, en quelque sorte, capturer ou saisir ces avis et en quelque sorte servir comme lieu de rassemblement de l'avis des uns et des autres. À mesure que les citoyens deviennent plus égaux et plus semblables, le penchant de chacun à croire aveuglément un certain homme ou une certaine classe diminue. La disposition à en croire la masse augmente et c'est de plus en plus l'opinion qui mène le monde. Non seulement l'opinion commune est le seul guide qui reste à la raison individuelle chez les peuples démocratiques, mais elle a chez ces peuples une puissance infiniment plus grande que chez nul autre. Dans les temps d'égalité, les hommes n'ont aucune foi les uns dans les autres, à cause de leur similitude. Mais cette même similitude leur donne une confiance presque illimitée dans le jugement du public. Car il ne leur paraît pas vraisemblable qu'ayant tous des lumières pareilles, la vérité ne se rencontre pas du côté du plus grand nombre. Quand l'homme qui vit dans les pays démocratiques se compare individuellement à tous ceux qui l'environnent, il sent avec orgueil qu'il est égal à chacun d'eux. Mais lorsqu'il vient à envisager l'ensemble de ses semblables et à se placer lui-même à côté de ce grand corps, il est aussitôt accablé de sa propre insignifiance et de sa faiblesse. Cette même égalité qui le rend indépendant de chacun de ses concitoyens en particulier, le livre isolé et sans défense à l'action du plus grand nombre. Le public a donc chez les peuples démocratiques une puissance singulière dont les nations aristocratiques ne pouvaient pas même concevoir l'idée. Il ne persuade pas ses croyances, il les impose et les fait pénétrer dans les âmes par une sorte de pression immense de l'esprit de tous sur l'intelligence de chacun. C'est un texte qu'il faut absolument lire, c'est le chapitre 2 du livre 2, volume 1, livre 1. Alors à mon avis c'est Démocratie en Amérique, volume 1, livre 1, pardon, chapitre 2 de la source principale des croyances chez les peuples démocratiques. Il faut donc absolument lire ce texte parce que vraiment on comprend précisément comment se constitue l'opinion publique, c'est-à-dire qu'on comprend à la fois comment se constitue ce public, c'est-à-dire à la fois cette égalité qui rend à la fois très orgueilleux et en même temps qui rend très insignifiant et qui fait qu'à la fois on est isolé des autres et en même temps livré aux autres. Donc on a une sorte de public un petit peu flou, un petit peu pas identifiable. Et puis il y a aussi cette idée quand même d'opinion. C'est-à-dire quand même que faut revenir sur cette première phrase Steven Sawyer qui est: non seulement l'opinion commune est le seul guide qui reste à la raison individuelle. Alors, est-ce qu'on peut dire que, d'abord prenons ce terme d'opinion, est-ce que l'opinion publique guidant les démocraties, guidant nos pensées, nos sentiments, nos usages, nos opinions, est une manière de dire qu'on ne réfléchit plus avec rationalité, mais qu'on fait seulement, on ne fait qu'opiner ? Non, c'est une très belle question. Et... je suis entièrement d'accord. C'est un passage vraiment assez magistral aussi avec les côtés littéraires qu'on peut retrouver partout dans ce texte de Tocqueville, mais aussi dans ses autres textes. Mais on confronte là une problématique qui est très courante dans l'œuvre de Tocqueville. Et c'est que l'égalité des conditions est contradictoire en ce qu'elle sépare autant qu'elle réunit. Et donc, l'égalité, comme on a établi tout à l'heure, il y a l'égalité dans la condition, les conditions d'égalité, il y a différentes manières de définir cette égalité. Mais une des façons, c'est par cette notion de similitude. Et donc, au sein de l'égalité comme condition, on peut dire qu'il y a comme une opportunité, il y a un état social, il y a aussi une dimension particulière qui est que je me retrouve à côté des uns et des autres, incapable vraiment de dire, comme j'ai dit tout à l'heure, que l'un, je devais forcément croire à la vie de l'un et de l'autre. Mais après, on rencontre, et là il est dit dans ce passage, mais alors, si chaque avis vaut la vie de l'autre, c'est des questions qu'on confronte bien sûr dans toute démocratie, ben, comment établir la vérité ? La vérité... Qui a raison. Au sens vraiment de raison. Tout à fait, ça vient d'où ? Et il dit par ailleurs, dans un autre chapitre, il dit, ou en fait c'est dans ce chapitre, mais dans un autre endroit, il parle, en fait, il dit en même temps que sans croyance semblable, il n'y a pas d'action commune. Et sans action commune, il existe des hommes, mais non un corps social. Donc, on peut dire que pour avoir un corps social, il faut avoir un avis commun, il faut avoir une croyance commune, et que cette croyance doit avoir quelque part un rapport à la vérité. Or, on est toujours face à ce problème que chaque avis se vaut. Donc, le problème, c'est qu'on ne peut pas trancher ce que propose Tocqueville, c'est qu'on ne peut pas trancher cette question de la vérité en disant que tel ou tel a raison. Et on ne peut sortir de cette tension que par le nombre, que par l'accumulation. Et donc, l'addition, comme on a dit tout à l'heure, des avis devient la seule façon de trancher. Mais, après, il y a aussi un vrai problème, c'est que, du coup, cette forme d'opinion publique qui résout le problème de la vérité par le nombre, tout d'un coup, on passe d'un état d'orgueil à un état de faiblesse. C'est-à-dire, en quelque sorte, on est très affaibli. Donc, la vérité qu'on pensait absolument certaine, tout d'un coup, on se rencontre comme un être faible et on commence à se douter. On commence à se dire, ah ben en fait, je n'avais pas raison. Donc, on se retrouve dans une tension avec soi-même entre l'orgueil d'un côté et une insignifiance de l'autre. Et donc, il propose comment est-ce qu'on va sortir de ça en démocratie. Et il dit cette contradiction ne peut être appréhendée que par la distinction entre la persuasion, dont il parle d'un côté, et la capacité à nous faire imposer ou faire pénétrer dans l'âme. Alors ça, c'est une expression très tocquevillienne aussi, mais la vérité doit pénétrer dans l'âme. C'est-à-dire, nous résistons à la persuasion, parce que nous nous sentons forts chacun dans nos convictions, et il n'y a aucun ressort naturel ou naturalisé qui nous obligerait à reconnaître la raison d'un autre. Mais en même temps, parce qu'aucun avis ne vaut plus qu'un autre, ils peuvent s'additionner sans fin, et du coup, notre avis rentre dans un rapport de force avec l'accumulation d'autres avis. Donc chaque individu est sujet à la pression immense du nombre de tous sur leur âme. Donc ce qui est intéressant finalement, c'est que dans ce passage, la puissance ne viendrait pas du fait que nous avons entendu la raison. Ça serait une vision très, très 18e. Mais de la confrontation entre notre croyance et notre capacité individuelle, et d'un côté, et la possibilité de rentrer en lien, de faire l'opinion sans limite avec d'autres. Et c'est comme ça qu'on va retrouver la force, en quelque sorte, en démocratie. Donc, il y a un affaiblissement presque hydraulique dans la manière dont on va confronter la plus forte qu'est le nombre, le moins qu'on est, on est fort. Mais finalement, on va rétablir notre force en se reconnaissant dans cette opinion publique et en se retrouvant cette identification, si on peut dire. Mais ce qui est très intéressant, Stephen Sawyer, c'est que vous avez bien souligné dans le texte, effectivement, qu'on n'était pas persuadé, en fait, par l'opinion publique. C'est là où, effectivement, il y a une distinction avec l'opinion publique du XVIIIe siècle, qui était vraiment un espace de confrontation, de délibération, de jugement. Là, finalement, il y a quelque chose qui va beaucoup plus loin, qui ne relève pas d'un exercice de rationalité, mais vraiment d'imprégnation des âmes. Ce qui est à la fois... dingue, parce qu'en fait, on voit bien, comme le dit Tocqueville, que l'opinion publique a une puissance infinie, mais ce qui est aussi effrayant, puisque ça veut dire que je peux être pénétré par l'opinion publique sans me rendre compte que mes avis ne sont pas les miens, mais ceux de l'opinion publique. Tout à fait, tout à fait. Et donc, c'est en quelque sorte le pouvoir qui est exercé nous-mêmes, que nous exerçons nous-mêmes, mais... finalement, qu'à travers le nombre, c'est-à-dire... Mais parce qu'inconsciemment, même. Ou même consciemment. Même, ça peut être les deux. Mais c'est clair que, en quelque sorte, on a une première phase où on... Bon, j'exagère, mais où on n'écoute plus ou moins personne. Bon, on se dit, bon, non, je... Là, je ne crois pas en moi. Je pense pour moi. D'ailleurs, Tocqueville dit très bien que les Américains sont ceux qui lisent le moins Descartes, mais sont ceux qui ont le plus les principes cartésiens, puisqu'en fait, ils mettent tout en doute et ne se fient à personne sauf à eux-mêmes. Tout à fait, tout à fait. Et donc, et ça, c'est une force, on peut pas le nier. Mais après, ce qui nous déroute encore plus quand on est confronté à un journal ou à un avis une opinion publique qui ne correspond pas au nôtre. Et donc là, cet affaiblissement drastique et on perd nos repères. Et puis après, en quelque sorte, et c'est là où c'est comme ça que peut fonctionner la tyrannie de la majorité, c'est-à-dire, du coup, pour retrouver sa force, on est, en quelque sorte, mécaniquement poussé à s'identifier à cette opinion publique ou vivre dans sa faiblesse. Alors, une certaine confrontation qui se fait entre les deux, à l'intérieur de nous-mêmes, à ce moment-là. Le président Édouard Herriot, à qui nous devons tant de créations intéressantes, a lancé, voici environ 30 ans, une formule à jamais inoubliable. À l'occasion d'on ne sait plus bien quel discours, Monsieur Édouard Herriot, en effet, a parlé le premier du fameux français moyen. Depuis, on n'a plus jamais cessé de parler du français moyen. On invoque volontiers ses goûts, ses désirs, ses habitudes, surtout quand il s'agit, par exemple, de justifier une innovation dont le résultat paraît contestable. Nous avons voulu savoir une fois pour toutes ce qu'est exactement un français moyen. Le français moyen, c'est moi, en toute modestie. Intelligence moyenne, taille moyenne, 1m70, nez moyen, front moyen, percé cheveux. Fait tout pour les garder, mais n'y arrive pas. Critique tout, mais se satisfait de tout, en particulier de la radio, de la télévision. Gagne peu, dépense beaucoup. Le français moyen, c'est un homme qui vit au-dessus de ses moyens. Ça vous a fait rire, Stephen Sawyer. C'est une archive de l'ORTF du 23 mars 1956 où effectivement est donné ce portrait du français moyen. Il faut dire que Tocqueville, dans le deuxième volume de La démocratie en Amérique, fait le portrait de l'homme démocratique, l'homo democraticus, avec effectivement un certain nombre de caractéristiques, l'individualisme, l'amour des richesses, le repli sur sa famille, la compassion pour l'humanité, mais le rejet de la charité. Et puis effectivement, il y a aussi cette forme de médiocrité interne à l'homme démocratique qui est produit justement par cette opinion publique. Parce que cette opinion publique, pour si chacun d'entre nous y adhère, très peu peuvent y échapper, même personne en fait, on peut le dire, tout le monde y adhère et donc d'une certaine manière, nous sommes tous façonnés et modelés par cette opinion publique, Tocqueville va dire uniformisée ou alors nivelée par l'opinion publique. Oui, on y adhère, mais on y adhère parfois, comme on disait tout à l'heure, en lutte avec soi-même. Parce que, en effet, il y a cette peur de la médiocrité. J'avoue que je trouve ça davantage, je dis pas que ce n'est pas chez Tocqueville, je le trouve davantage chez Mill que chez Tocqueville. Mais c'est là. Il y a cette notion que, en quelque sorte, du moment, et c'est l'autre côté, comme j'ai dit, il y a plusieurs façons de définir l'égalité chez Tocqueville. On avait beaucoup parlé de la similitude, mais il y a aussi ce nivellement de capacité, le nivellement, la fascination pour ce qui ne ressort pas ou ce qui n'est pas exceptionnel chez les uns et des autres, et finalement, en quelque sorte, une conformité qui va s'imposer forcément dans ce contexte de la société démocratique. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est et on revient dans notre discussion sur l'opinion publique, mais l'opinion publique est à la fois un fait et en même temps c'est fabriqué. C'est-à-dire, c'est un fait dans le sens que on le confronte comme en quelque sorte quelque chose de réifié qui nous tombe dessus, et en même temps, on est en quelque sorte l'obligation, c'est peut-être trop fort, mais sauf à être très aliéné, on est obligé de reconnaître la raison du nombre, si on peut dire. C'est-à-dire le fait que, finalement, on avait peut-être tort dans notre avis individuel, et donc, dans ce sens, de ces deux côtés, on le rencontre comme un fait, comme réifié, c'est-à-dire dans ce sens, on se sent différent, un peu exceptionnel, particulier, on a notre propre façon, comme vous venez de dire, on écoute en quelque sorte, on n'écoute pas les uns et les autres pour former son avis, mais une fois qu'on est confronté à l'opinion publique, on est en quelque sorte obligé de s'y identifier, sinon on va se sentir en aliéné en permanence. Oui, mais on est du coup aliéné à l'opinion publique. Pas forcément. Alors là, je veux pas insister, mais je trouve un côté très rousseauiste dans ce passage, comme vous avez dit lundi. En effet, Rousseau, je pense que Céline Spector a dit qu'il y avait trois personnes qui disaient qu'ils lisaient très régulièrement, sinon tous les jours, Montesquieu, Rousseau et Pascal. Et il y a beaucoup de passages où Tocqueville va faire référence à Rousseau. On les voit dans les notes du manuscrit. Ça paraît moins une fois qu'on a vu le produit fini, mais quand on regarde les notes, on voit que ça paraît très souvent qui mentionne directement Rousseau. Alors, c'est à nouveau une question d'être dans une société démocratique et non pas dans la république rousseauiste qui est formée par la volonté générale, contrat social. Mais qui est idéal, il faut le dire. Mais qui est un idéal. Alors là, on est dans le réel. Et là à nouveau, un peu comme processus parallèle à ce que va décrire Rousseau, on confronte l'opinion publique et on peut se rendre compte qu'en fait on avait tort. Mais pas face à une autre personne, mais face à l'opinion publique générale. De la même manière, si on veut établir ce parallèle, qu'on peut découvrir que notre volonté particulière, en fait, une fois qu'on voit la volonté générale, on se rend compte qu'on avait tort. Et il y a quelque chose de similaire chez Tocqueville dans cette confrontation. On n'est pas forcément aliéné. Donc ça n'est pas forcément de l'aliénation, ni forcément de la persuasion, mais une manière juste de prendre conscience que finalement, on avait peut-être tort et qu'on doit se conduire selon les usages de l'opinion publique. Je vous propose d'écouter, Steven Sawyer, justement une manière dont l'opinion publique pénètre non pas seulement dans les âmes ou dans l'espace public politique de discussion autour de sujets politiques traités par la presse, notamment par les médias, mais vraiment comment il s'infiltre aussi dans l'espace privé et dans la séduction. Aux États-Unis, on ne loue guère les femmes, mais on montre chaque jour qu'on les estime. Les Américains font voir sans cesse une pleine confiance dans la raison de leur compagne et un respect profond pour sa liberté. Ils jugent que son esprit est aussi capable que celui de l'homme de découvrir la vérité toute nue et son cœur assez ferme pour la suivre. Et ils n'ont jamais cherché à mettre la vertu de l'un plus que celle de l'autre à l'abri des préjugés, de l'ignorance ou de la peur. Il semble qu'en Europe, où l'on se soumet si aisément à l'empire despotique des femmes, on leur refuse cependant quelques-uns des plus grands attributs de l'espèce humaine et qu'on les considère comme des êtres séduisants et incomplets. Et ce dont on ne saurait trop s'étonner, c'est que les femmes elles-mêmes finissent par se voir sous le même jour et qu'elles ne sont pas éloignées de considérer comme un privilège la faculté qu'on leur laisse de se montrer futiles, faibles et craintives. Les Américaines ne réclament point de semblables droits. On dirait d'une autre part qu'en fait de mœurs, nous ayons accordé à l'homme une sorte d'immunité singulière, de telle sorte qu'il y ait comme une vertu à son usage, et une autre à celui de sa compagne. Et que suivant l'opinion publique, le même acte puisse être alternativement un crime ou seulement une faute. Les Américains ne connaissent point cet inique partage des devoirs et des droits. Chez eux, le séducteur y est aussi déshonoré que sa victime. France Culture, Les chemins de la philosophie, Géraldine Mosna-Savoie. C'était un extrait du second volume de La démocratie en Amérique, troisième partie, chapitre 7, Comment les Américains comprennent l'égalité de l'homme et de la femme, interprété par notre comédien François Raison. On entend bien dans ce texte, Steven Sawyer, la manière dont l'opinion publique, en fait, est une puissance aussi qui s'exprime à travers un certain nombre de règles, notamment en termes de séduction, de rapport homme-femme, de rapport maître-domestique aussi. Est-ce qu'on pourrait dire que l'opinion publique, c'est l'ancien code d'honneur qu'on rencontrait dans l'aristocratie, vous savez, un certain nombre de règles de conduite, de bonne conduite, mais qui serait devenu beaucoup plus flou, mais aurait néanmoins une toute importante puissance. Ah ben ça, c'est intéressant comme vision. Je pense que oui, c'est sûr que ça remplace un certain nombre de règles dans une société d'ordre, une société aristocratique, comme il dit, qui sont remplacées par l'opinion publique. Alors, bien sûr, c'est pas seulement une différence, de type, mais aussi une différence de qualité, c'est-à-dire dans la société démocratique, la manière dont l'opinion publique va influencer ou va changer ou former les mœurs, c'est vrai que ça se fait d'une manière qui est totalement différente de la société aristocratique. Mais ce qui est intéressant dans ce passage aussi, c'est qu'on avait parlé des différentes façons de concevoir l'égalité. Il y a similitude, mais là, il y a aussi égalité des capacités. Et c'est sur ça qu'il insiste dans le contexte du rapport entre l'homme et la femme. Et il fait cette comparaison entre les États-Unis et la France. Il aime bien forcer un peu le trait. Il y a eu des théories des sphères séparées dans le contexte des États-Unis. Je ne sais pas d'où il prend exactement cette analyse-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il propose qu'il y a malgré tout cette distinction entre la manière dont on va percevoir les rapports entre les hommes et les femmes et leur capacité réelle. Et globalement, il voit que les capacités sont les mêmes. Après, c'est une question, il dit, aux États-Unis, de faire une division de travail par rapport à une situation française qui, dans ce passage, par ailleurs, semble très basacienne quelque part. Il y a une... Dans des rapports, les capacités despotiques des femmes et en même temps des faiblesses, des thèmes qu'on va retrouver dans son contemporain Balzac à plusieurs reprises. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit bien la manière en fait dont, grâce à l'opinion publique, qui n'est pas forcément que cette méchante puissance qui nous persuade et nous aliène, vous avez essayé de la défendre, Stephen Sawyer, en fait, comment à travers l'opinion publique aussi, les conditions s'égalisent, mais finalement, comment cette égalisation peut pénétrer à travers les mœurs. Ça s'entend notamment à travers les relations entre les hommes et les femmes, mais on voit bien aussi en fait que cette égalisation contribue peut-être, alors on l'a dit, à une forme de nivellement, mais à une forme aussi de flou, c'est-à-dire que finalement, comment connaître ces règles de l'opinion publique en dehors du fait de dire que ça égalise les conditions, qu'il y a peut-être une certaine manière de penser. Les règles de l'opinion publique restent assez impénétrables, finalement. De quoi est faite cette opinion publique ? Oui, mais c'est tout à fait juste. Mais ce qui est intéressant en même temps, c'est que l'opinion publique, comme il dit dans les définitions qu'on a entendues tout à l'heure en début de l'émission, l'opinion publique se mue, ça se transforme et donc devient forcément, en quelque sorte, difficilement saisissable. Et en même temps, s'immisce, anime, se retrouve dans les recoins les plus reculés de la société, jusque dans les sphères domestiques, jusque dans l'arrière chambre de la séduction. On ne peut pas y échapper. C'est en partie justement parce que c'est si muable, si transformable, si puissant et fluide. Au point même d'ailleurs que dans un chapitre qui s'appelle « Pourquoi les révolutions deviendront rares », il dit même qu'il y a beaucoup d'agitation dans les espaces démocratiques avec l'opinion publique, mais finalement qu'il y a des règles assez fixes. Finalement, il y a beaucoup de muabilité, mais en fait qui est assez figée. Oui, tout à fait. Mais ça c'est une tension qu'on voit au cœur de Tocqueville. Au fond, on peut dire que la démocratie en Amérique est à la fois une façon d'appréhender la démocratie tout à fait nouvelle, c'est-à-dire non pas comme une constitution, une série d'institutions, comme une constitution mixte mélangée avec la monarchie et l'aristocratie, mais une forme de société. Et donc, ils cherchent en quelque sorte à dégager les principes de cette nouvelle société. Et en même temps, on ne peut comprendre les effets de cette nouvelle condition qu'en étudiant des cas très précis. Et donc, bien sûr, partir aux États-Unis, faire des comparaisons en permanence avec la France, après partir en Angleterre, partir en Algérie, etc. Merci beaucoup, Stephen Sawyer. De vous, on peut lire, je vous laisse le dire encore une fois. Demos Assembled, Democracy and the International Origins of the Modern State. Voilà, je pourrais jamais être à la hauteur de votre accent, évidemment. Édition University of Chicago Press. Et puis Adolphe Thiers, où la contingence et le pouvoir, s'est paru aux éditions Armand Collin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh, this song's called Opinion. Congratulations, you have won this year's subscription. I'll buy puns in a makeshift story. I'm concerned and set it up before it burns. My opinions, my opinions, opinions, opinions. There seems to be a problem here. Scared emotions seem too clear. Now they rise and fall like Wall Street stock, and they have an effect on happy stock opinions. Vous écoutez Nirvana Opinions. C'était une session acoustique pour la radio et vous écoutez maintenant France Culture. Toujours France Culture, il est 10h54 et c'est l'heure de retrouver la chronique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Pourquoi Rousseau a-t-il écrit L'Émile ? En 1762, déjà au cœur de sa carrière et de sa célébrité nationale et même internationale, Jean-Jacques Rousseau publie simultanément donc deux livres qu'il tient pourtant